Un point c'est tout, un point c'est nous. Et quelque part dans le sommeil, un point c'est doux. Nous sommes allés sur l'autre rive, traverser, traverser. Un point c'est quoi? Parle-moi du monde, parle-moi du monde, parle-moi du monde. Un point c'est tout. Un bout de chemin sur le sable. J'ai adoré, adoré. Un point c'est nous. Cette douceur dans ta voix nous a guidés, nous a guidés. Parle-moi du monde, parle-moi du monde, parle-moi du monde. Un point c'est tout. Qui nous voit, emporte ce chant avec toi. Un point c'est nous, un point c'est tout. Oh, parle-moi du monde, parle-moi du monde.